Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Jean de Fer. Il était une fois un roi qui habitait dans un grand palais à l'orée d'une immense forêt. Un jour, il envoya un de ses gardes chasser le cerf. Le garde partit, mais ne revint pas. Le lendemain, le roi envoya deux chasseurs chercher le garde. Ils partirent, mais ne revinrent pas. Le troisième jour, le roi inquiet réunit tous ses chasseurs et leur dit: passez la forêt au peigne fin et ne revenez que lorsque vous aurez retrouvé mon garde et mes deux chasseurs. Les chasseurs partirent, mais ne revinrent pas. Et à partir de ce jour-là, plus personne n'osa pénétrer dans la forêt. Bien des années plus tard, un chasseur d'un autre pays se présenta à la cour du roi et lui annonça fièrement: sire, je me mets à votre service. J'irai dans la forêt et je découvrirai son mystère. Malheureux, répondit le roi. Cette forêt est hantée. J'y ai perdu mes meilleurs hommes. Vous ne savez pas à quel danger vous vous exposez. Rien ne m'effraie, sire. Je ne connais pas la peur, répondit le chasseur. Il salua le roi, siffla son chien et prit la direction de la forêt hantée. À l'orée de la forêt, le chien renifla une piste et la suivit. Il se trouva bientôt devant une grande mare que son maître contempla en se demandant comment ils allaient pouvoir la traverser. Soudain, un bras sortit de l'eau et attrapa le chien qui disparut dans la mare. Le chasseur se précipita à la lisière de la forêt et appela à son secours trois hommes qui passaient. « Aidez-moi à sauver mon chien! Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard !» Les trois hommes suivirent le chasseur avec des seaux pour vider l'eau de la mare. Ils travaillèrent pendant des heures, jusqu'à ce qu'elle fût complètement asséchée. « Regardez !» cria l'un des hommes. « Il y a quelqu'un !» Un homme, avec une longue barbe, était étendu au milieu de la mare asséchée. Il était couvert de poils et ressemblait à un sauvage. Les hommes le ligotèrent et le ramenèrent au palais où chacun vint observer avec curiosité cet étrange homme poilu. « Je suis sûr qu'il porte malheur !» dit le roi. Il décida de faire enfermer cet homme couvert de poils dans une cage en fer que l'on plaça dans la cour du palais. Les villageois surnommèrent ce sauvage Jean de Fer. Un jour, le jeune fils du roi, qui jouait dans la cour, lança sa balle en or dans la cage de Jean de Fer. « Pouvez-vous me renvoyer ma balle, s'il vous plaît ?» demanda le petit garçon. « Je ne te la rendrai que si tu ouvres la porte de la cage !» répondit le sauvage. « Je ne peux pas. Le roi m'a interdit d'ouvrir cette porte. D'ailleurs, je n'ai pas la clé !» rétorqua l'enfant. « Elle est cachée sous l'oreiller de ta mère !» chuchota le sauvage. « Maintenant que tu sais où elle est, va la chercher !» Le petit garçon avait tellement envie de récupérer sa balle qu'il alla chercher la clé. Mais la porte de la cage était rouillée, et en l'ouvrant, il se blessa au doigt. « S'il vous plaît, ne vous enfuyez pas, revenez sinon mon père me donnera la fessée !» cria le petit prince. Alors, le sauvage revint sur ses pas, prit le petit garçon dans ses bras et s'enfuit avec lui dans la forêt. Lorsque le roi vit la cage vide, il entra dans une terrible colère et demanda à sa femme ce qui s'était passé. Elle appela son fils, mais il ne répondit pas. Le roi envoya ses domestiques le chercher, mais ils ne le trouvèrent pas. Pendant ce temps-là, le sauvage était arrivé au cœur de la forêt. « Reste ici avec moi !» dit-il au fils du roi. « Si tu fais tout ce que je te dis, il ne t'arrivera rien. » Le petit prince se coucha et s'endormit. Le lendemain, le sauvage l'emmena devant un puits. « C'est un puits d'eau de cristal !» dit-il. « Je veux que tu restes ici !» et que tu veilles à ce que rien ne tombe dedans. Tu as bien compris, rien ne doit souiller la pureté de cette eau. C'est très important. Le petit prince s'assit devant le puits, et comme son doigt blessé lui faisait mal, sans réfléchir, il le trempa dans l'eau. Lorsqu'il le sortit, son doigt était en or. Lorsque Jean de Fer arriva, il vit immédiatement que l'eau du puits avait été souillée. « Qu'est-il arrivé au puits ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Rien du tout, répondit le petit garçon en cachant sa main derrière son dos. Mais Jean de Fer vit les reflets de l'or scintiller au soleil. « Tu as trempé ton doigt dans l'eau !» grommela-t-il. « Pour cette fois, je te pardonne, mais que cela ne se reproduise pas !» Le lendemain, le petit prince fut à nouveau chargé de surveiller le puits. Attiré par le reflet de son visage dans l'eau, il se pencha sans s'apercevoir que la pointe de ses cheveux trempait dedans. Quand il releva la tête, ses cheveux étaient en fil d'or. Il mit aussitôt un foulard, espérant que Jean de Fer ne remarque rien. Mais le sauvage arriva au même moment. « Tu n'as pas surmonté cette épreuve !» s'écria-t-il en arrachant le foulard. « Cette fois, il va falloir que tu ailles dans le monde pour apprendre la pauvreté. Mais comme je t'aime bien, je te promets que si un jour tu as un problème, je t'aiderai. Il te suffira de venir dans la forêt et de crier « Jean de Fer !» Le jeune prince quitta la forêt et marcha pendant des jours et des jours. Il arriva enfin devant un palais où il se fit engager comme apprenti jardinier. Il portait toujours un chapeau pour cacher ses cheveux en fil d'or. Mais un jour d'été, accablé par la chaleur et se croyant seul, il l'enleva. De sa fenêtre, la princesse vit étinceler ses cheveux et intriguée, elle voulut voir de plus près cet étrange jardinier. « Garçon, apportez-moi un bouquet de fleurs, voulez-vous ? » lui cria-t-elle. Le jeune prince remit rapidement son chapeau sur sa tête, cueillit quelques fleurs sauvages et les lui apporta. Mais lorsqu'il entra dans la chambre, la fille du roi cachée derrière la porte s'empara du chapeau en lui disant « Ignorez-vous, mon jeune ami, que vous devez vous découvrir en ma présence ?» Le prince voulut s'enfuir, et pour le retenir, la princesse lui donna une poignée de pièces d'or. Mais il ne s'intéressait pas à l'argent, et prit ses jambes à son cou. Maintenant, retourne la cassette. Un mois plus tard, le pays entra en guerre et le roi rassembla ses troupes. Je suis assez grand pour me battre, dit le jeune jardinier à son maître. Donnez-moi un cheval et j'irai à la guerre. On lui donna un vieux cheval fatigué. Le jeune garçon l'enfourcha et partit en direction de la forêt. Arrivé devant le puits, il cria. « Jean de Fer !» « Quelques instants plus tard, l'homme sauvage apparut. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il. « J'ai besoin d'une armée puissante pour aller à la guerre !» dit le jeune homme. « La voici !» L'homme sauvage s'écarta et une armée apparut. Un palefrenier tenait la bride d'un magnifique destrier. Le jeune prince donna son vieux cheval au palefrenier et enfourcha le superbe cheval. Les soldats étaient vêtus d'épaisses armures et portaient chacun une épée et un bouclier. Le prince marcha courageusement à la tête de son armée vers le champ de bataille. Ses soldats ne connaissaient pas la peur et l'ennemi fut mis en déroute en moins de 2 jours. Après la victoire, au lieu de prendre la direction du palais du roi à la tête de ses troupes, le jeune prince conduisit son armée dans la forêt et appela Jean de Fer. Que puis-je faire pour toi ? Demanda le sauvage. Je voudrais que tu reprennes l'armée et le destrier et que tu me rendes mon vieux cheval. Jean de Fer accepta, puis le prince monta sur son vieux cheval et rentra travailler au jardin du palais. En ville, on ne parlait que du mystérieux chevalier qui avait gagné la bataille. Le roi avait envoyé ses gardes dans tout le pays pour le retrouver, mais le héros demeurait invisible. Le roi eut alors une idée. Il fit appeler sa fille et lui dit « Nous allons donner une grande fête pour célébrer la victoire. J'organiserai un concours pour les chevaliers et tu lanceras une pomme en or au vainqueur. Peut-être cela attirera-t-il notre mystérieux héros. » Dès que la fête fut annoncée, le jeune prince retourna dans la forêt et appela Jean de Fer. « Que puis-je faire pour toi ? » demanda le sauvage. « Il faut que j'attrape la pomme d'or de la princesse !» dit le prince. « Tu l'attraperas. Je vais aussi te procurer une armure rouge et un beau cheval alezan. » Le premier jour de la fête, le jeune prince se présenta au concours avec son armure et son bel alezan. Il se joignit aux autres chevaliers, mais personne ne le reconnut car il portait un casque. La princesse lança la pomme d'or au chevalier et le prince l'attrapa. Il y eut un grand cri dans la foule, puis le chevalier disparut au galop. Le deuxième jour de la fête, Jean de Fer donna au prince une armure grise et un cheval gris. Cette fois encore, personne ne le reconnut. La princesse lança la pomme d'or, le prince l'attrapa, et comme la veille, il s'enfuit au galop. Le roi était rouge de colère. « C'est inadmissible !» maugréa-t-il. « J'exige que ce jeune homme se présente et me dise son nom !» Et le roi ordonna aux autres chevaliers de poursuivre le héros inconnu si celui-ci se présentait à la cour le lendemain et attrapait encore la pomme. Le troisième jour de la fête, le jeune prince se présenta au concours avec une armure noire et un magnifique cheval noir. Il attrapa la pomme de la princesse et s'enfuit au galop. Mais son casque tomba et la foule stupéfaite constata que ses cheveux étincelaient comme de l'or. Le lendemain, la princesse fit appeler le jardinier et lui demanda où était son apprenti. « Oh, il travaille sans doute au jardin !» répondit le jardinier. « Mais quel drôle de garçon ! Il est allé à la fête hier soir et il a montré à mon fils 3 pommes en or qu'il avait gagnées. » Le roi ordonna qu'on lui amène aussitôt l'apprenti jardinier. Le jeune prince arriva, les cheveux bien cachés sous un chapeau. Mais la princesse lui demanda de l'enlever. « Es-tu le chevalier qui a attrapé les 3 pommes d'or ?» questionna le roi. « Oui !» répondit le prince. Et il sortit les 3 pommes de sa poche. « Sire, je suis aussi le chevalier qui a gagné la bataille !» ajouta-t-il. « Dans ce cas, tu n'es sûrement pas un simple jardinier. Qui est ton père ?» demanda le roi. « Mon père était comme vous, messire, un grand seigneur !» répondit le prince. « Nous te devons beaucoup, chevalier. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?» Parle sans crainte. tous tes désirs seront exaucés, dit le roi. Sire, je vous demande la main de votre fille, répondit le prince. La princesse bondit de joie. Le mariage fut célébré quelques semaines plus tard, mais pendant le banquet, la porte s'ouvrit brusquement et un chevalier inconnu entra dans la salle. Il se dirigea droit vers le prince, le salua et lui dit « Me reconnais-tu sous mon vrai visage ? Je suis Jean de Fer. Grâce à ton courage, le mauvais sort que m'avait jeté une sorcière a été rompu. J'ai retrouvé figure humaine, mon château et mes terres. Pour te remercier, je t'en donne la moitié. Et n'oublie jamais, prince. Si tu as un problème, appelle-moi. » N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de l'enfant d'éléphant.